Une fille comme toi, ça existe. Pas pour les pauvres, mais frustrés et tristes. Et pourtant, tu es dans mes bras. Dans mes bras, une fille comme toi. J'ai beaucoup de mal à y croire. En petite culotte dans ton lit le soir, tu colles tes fesses à mon ventre et tes chats. Ça ne se peut pas, une fille comme toi. Et de manière si naturelle, tu m'offres les plus beaux instants de ma vie. Et dans un mois, tu ne seras plus là. Ça s'en va toujours, une fille comme toi. Elle est mon ange, elle est mon ange, elle est ma vie. J'aime ses yeux et son corps de petite fille. Quand tu ne seras plus là, moi, je penserai à toi. Ça ne s'oublie pas, une fille comme toi.